Bonjour frères et sœurs, nous sommes en ce lundi, au rendu au chapitre 20, et je pensais en fin de semaine, hey, on a presque fini. On a presque fini d'étudier l'évangile de Jean. Donc, nous sommes rendus à notre 65e vidéo. Donc, on a fait un bon bout de chemin depuis presque 3 mois maintenant. Donc, nous allons ensemble prier avant de commencer. Notre Père du ciel, nous te demandons de bien diriger notre temps ensemble. Dirige, Seigneur, afin qu'on puisse apprendre de toi, apprendre à comprendre les Écritures, apprendre à les saisir dans leur contexte, afin qu'on puisse vraiment entendre par la puissance de l'Esprit ce que tu veux nous dire. Comprendre et qu'on puisse mieux te voir et mieux voir ton Fils Jésus. Et vous glorifier, et vous aimer, et vous servir. Parle à nos cœurs ce matin par tes Écritures. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que, après sa crucifixion, la preuve qu'on a eue de sa mort, c'est avec Nicodème et Joseph d'Arimathée. Donc, les autres, ils l'ont embaumé, ils l'ont mis au tombeau, ils l'ont mis à sous bandelette ou avec des bandelettes, ils l'ont mis les aromates selon la coutume des Juifs, on a vu qu'il était vraiment mort. Ensuite, on a vu que les disciples, Marie et Pierre et Jean, ont constaté que le tombeau était vide. Et donc, la façon qu'ils l'ont vu vide démontrait que le corps n'avait pas été volé, mais que c'était passé quelque chose de spécial. Ensuite, on a vu la première apparition de Jésus à Marie. Ou est-ce qu'il dit pour la première fois, « Je m'en vais vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu, vers votre Dieu. » Si vous n'avez pas écouté le vidéo 64, écoutez-le avant d'écouter le 65. Donc, ce matin, nous arrivons à une deuxième apparition. Jésus va apparaître aux disciples, aux apôtres. Donc, nous allons premièrement, prendre le temps de lire à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, et leur montra ses mains et son côté, les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Et il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Ceux à qui vous pardonnez les péchés leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, qu'avons-nous dans ce texte? Le soir de ce jour, le jour où Marie a vu Jésus ressuscité dans le jardin, c'était dimanche. Les disciples sont enfermés dans un lieu. Et c'est fermé, c'est barré. Ils ont peur des Juifs. Soyons pas trop sévères envers eux. Parce que ils sont pas encore remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit pas en eux. Soyons pas trop sévères envers Pierre. On a vu ça ensemble, qui a renié le maître 3 fois. Mais le jour où ils vont recevoir le Saint-Esprit, à la Pentecôte, ça va changer leur vie. Ils vont accepter la mort, ils vont se réjouir même du fouet, réjouir de la persécution, ils vont accepter de mourir pour lui. Et ils vont devenir des prédicateurs, on pourrait dire, audacieux pour l'Évangile. Mais pour le moment, ils sont dans la crainte. Ils ont peur de mourir parce qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ. Donc, nous allons regarder les vérités qu'on venait dans ces quelques versets avec la même optique que le restant. J'ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc, cette résurrection démontre qu'il était le Messie et qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce que Paul va dire. Démontrer ou manifester Fils de Dieu par la résurrection. Donc, c'est le Messie devait ressusciter aussi. Donc, cette résurrection-là, si je la prouve, je démontre qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et en la croyant, j'ai la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte-là? Premièrement, Jésus arrive au milieu d'eux, les portes fermées à clé. Ça dit quoi? Pendant 33 ans qu'ils ont vécu avec lui, Jésus a toujours cogné aux portes pour entrer. Il a toujours ouvert les portes pour entrer. Mais là, il se présente devant eux, instantanément, sans frapper, sans ouvrir la porte. Et je suis pas mal convaincu que quand ils ont vu Jésus, ou cet homme, cette apparition, ils ont dû regarder vers la porte, voir si la porte était pas ouverte. Donc, c'est la preuve que Jésus n'est pas comme avant. Il y a eu une transformation, il y a eu un changement. Et nous, on va dire aujourd'hui un corps glorifié. Avec ce corps glorifié, il peut se déplacer, il peut disparaître et apparaître. Je ne suis pas sûr qu'il a passé à travers les murs, plus qu'il est apparu là, paf, sur place. Je ne sais pas. Mais c'est une preuve qu'il est ressuscité. Parce que même mort, il ne pouvait pas faire ça. Mais il fallait qu'il soit ressuscité pour faire ça. Donc Jésus dit à ses disciples, il s'est passé de quoi là? Il s'est passé de quoi là? Et là, il leur dit que la paix soit avec vous. Mais je crois que c'est une salutation pour les Juifs. On pourrait bien dire que Jésus amène la paix, puis toutes sortes de paix, en tout cas. Mais je crois que plutôt ici qu'il est en train de leur dire bonjour, comment ça va? Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Donc il leur montre, il donne une preuve. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, d'une façon physique, qu'est-ce qu'il y avait de différent. Parce que tout au long, ce qu'on va voir jusqu'à la fin du chapitre 21, et dans les autres évangiles, et dans les actes des apôtres, quand Jésus apparaît, ils ne sont pas sûrs que c'est lui. Les disciples d'Emmaüs ne le reconnaissent pas. Marie ne l'a pas reconnu, elle pensait que c'était le jardinier. Donc, il y avait quelque chose de différent, là. Ça devrait nous convaincre qu'il s'est passé de quoi. Jésus, c'est pas le même qu'avant. Parce qu'il le reconnaîtrait tout de suite, ah oui, Jésus, ben, il le reconnaîtrait, mais c'est pas lui. Comme avant. Mais c'est lui. Dans un nouveau corps. Changé. Étais-tu toujours habillé en blanc, comme on se voit sur les photos? Étais-tu plus lumineux? On sait pas. En tout cas, c'est pas dit dans le texte. Mais pour leur donner des preuves que c'était lui, qu'il n'avait pas eu besoin que ça aurait été le même gars qu'avant. Regardez mes mains. Regardez mon côté. Je ne sais pas pourquoi il ne montre pas les pieds. Il n'a pas élevé un peu sa robe et dit, regardez les pieds. Mais il ne mentionne pas. Puis il ne mentionnera pas, je ne pense pas non plus à Thomas. Donc Jésus, il donne des preuves que c'est vraiment lui. Ce n'est pas une apparition comme angélique, on pourrait dire. C'est vraiment le même Jésus qui a été crucifié, mais en même temps, c'est un autre Jésus, parce qu'il est glorifié. Donc, ça nous dit qu'il s'est passé de quoi entre la mort, entre la croix, et le moment où il leur parle. Et nous, on sait, puis les apôtres vont venir être convaincus, que c'est la résurrection. Jésus a un corps nouveau. Il est passé de la mort à la vie. Pas juste spirituellement, ou d'une façon virtuelle, je pourrais dire aujourd'hui, mais c'est vraiment de façon aussi physique et matérielle. Donc là, ils sont dans la joie, ils sont contents, ils savent que c'est Jésus. Ils savent que c'est Jésus. Et là, Jésus va faire quelque chose encore d'exceptionnel. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Vous envoie où? Il avait dit ça dans Jean 17. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Puis là, il va dire quelque chose. Il souffla sur eux et leur dit, recevez cet esprit. C'est pas la seule fois qu'il fait ça. Il souffle sur eux et le Saint-Esprit vint sur eux. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'imposer les mains à quelqu'un, puis Saint-Esprit vient. Faut pas penser ça. Dans les Actes des apôtres, oui, il s'est passé quelques exceptions à la règle, mais en règle générale, il n'y a pas aucun être humain qui s'appelle apôtre ou autre qui ont le pouvoir de commander au Saint-Esprit quelque chose. On n'a pas de contrôle, nous autres. Parce que ça vous surprend. On n'a pas de contrôle sur Dieu. Ni par la prière, ni par l'imposition des mains, ni par autre chose. On n'a pas de pouvoir sur le Saint-Esprit, on n'a pas de pouvoir sur Jésus. Jésus, c'est le Maître, c'est le Seigneur, c'est le Créateur, c'est le Sauveur. C'est comme Don Carson disait hier, quand j'écoutais, on ne devrait pas dire non, Seigneur. C'est impossible. Tu ne peux pas dire Seigneur, et en même temps dire non. La seule réponse en disant le mot Seigneur, c'est oui, Seigneur. Tu ne dis pas non au Seigneur. Tu ne commandes pas le Seigneur. C'est lui qui nous commande. Mais ici, on voit Jésus qui a un contrôle sur le Saint-Esprit. Il souffle, et le Saint-Esprit vient sur les disciples. Ça, mon gars, c'est Dieu. C'est Dieu. Le Saint-Esprit sort de Jésus. Moi, ça me rappelle tout de suite Dieu avec Adam. Dieu souffle sur Adam et devient un esprit vivant. Vivant. Il souffle sur eux. Il dit, recevez cet esprit. Pouvoir divin. Pouvoir divin. Pourquoi il fait cela? Pourquoi il n'attend pas à la Pentecôte? Je ne peux pas vraiment vous expliquer pourquoi. Mais il le fait ici. Puis la raison pourquoi il le fait, il dit, ceux à qui je vous envoie dans le monde, il souffle sur eux, puis là il va leur dire quelque chose. Je crois qu'ils comprennent par la puissance du Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous leur étiendrez, ils leur seront retenus. Je ne crois pas que vous croyez non plus qu'il est en train d'instituer ici le sacrement de la pénitence. L'être humain n'a pas de pouvoir. Les Juifs ont dit à Jésus un jour, personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul. Donc, il n'est pas en train de donner un pouvoir divin aux disciples ici. Il dit, ceux à qui vous pardonnez seront pardonnés. Mais je crois qu'il leur donne ce pouvoir-là par l'Évangile, par la prédication de l'Évangile. Ceux à qui vous pardonnez, que vous allez prêcher l'Évangile et que vont croire que je suis mort et ressuscité, vous pourrez leur dire, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui vont refuser de croire, vous leur direz, vos péchés sont retenus. Vous leur direz ça. Vous avez ce pouvoir-là par la prédication de l'Évangile. Mais nous avons ce même pouvoir-là. Mais avant qu'on parle de cela, comprenez bien ce qui se passe ici. Tant et aussi longtemps que Jésus ne pouvait pas, aussi longtemps que Jésus n'était pas ressuscité, il ne pouvait pas dire ça. Il dit ça pour démontrer que la résurrection a bien lieu. Le Messie est bien ressuscité. Le Fils de Dieu est bien ressuscité. Maintenant, le pardon des péchés pourrait être proclamé parce qu'ils avaient une preuve que Dieu pardonne. Quelle est la preuve que Dieu pardonne? Jésus est ressuscité. Comprenez-moi bien là. Ce que je vais dire, entre guillemets, Jésus, c'est le premier pardonné. Pas pour ses péchés, mais pour les nôtres. Il a pris sur lui, nos péchés. Donc, il est devenu péché pour nous, selon les Corinthiens. Et le sacrifice qu'il a offert de sa vie, Dieu lui a pardonné les péchés. Il est sorti de la mort, parce qu'il est mort à cause des péchés, il est sorti de la mort. Et le pardon des péchés, c'est ça que ça fait. Quand Dieu pardonne les péchés à quelqu'un, il passe de la mort à la vie. Puis il dit ici, la preuve que je suis ressuscité, la preuve que Dieu m'a ressuscité, c'est que vous pouvez maintenant proclamer le pardon des péchés. Et les gens vont vous croire. Parce que je suis ressuscité. Je crois que c'est la grande emphase dans les actes des apôtres. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. La preuve que Dieu l'a pardonné, la preuve qu'il était de Dieu, la preuve que Dieu a accepté le sacrifice, c'est qu'il l'a ressuscité. Voyez-vous, tout se tient ici. Il dit, je passe à travers les murs, j'apparais où ce que je veux, j'ai le pouvoir de vous donner le pardon de cet esprit, et vous pouvez aller pardonner, aller, et proclamer le pardon des péchés au monde. Parce que j'ai été ressuscité. Quelle belle vérité! Ce n'est pas un privilège qui est donné aux 10 ici. Parce que Thomas n'est pas là, Judas n'est pas là. Ce n'est pas un privilège qui est accordé aux 10. C'est un privilège qui est accordé à tous les croyants. Petits et grands, jeunes et vieux, hommes ou femmes. Tout le monde a ce pouvoir-là de proclamer l'Évangile et d'accorder le pardon des péchés. Tout le monde. On peut aller vers les gens et de leur dire cela, et de leur proclamer ça. Si vous vous repentez et si vous croyez, vous allez avoir le pardon de vos péchés. Si vous ne vous croyez pas et que vous ne vous repentez pas, vous n'avez pas le pardon de vos péchés, vous allez mourir dans vos péchés. Et Jésus peut envoyer ses disciples le faire, parce que maintenant ils ont une preuve à proclamer. C'était facile à dire. Un jour, Jésus a dit, qu'est-ce qui est le plus dur? De dire, tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, prends ton lit et marche? Il a dit, prends ton lit et marche. J'ai donné une preuve qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Mais maintenant, il donne la preuve qu'on peut proclamer le pardon des péchés en Jésus, c'est la résurrection. Donc, n'oublions pas, quand on prêche l'Évangile, de parler de la résurrection, d'annoncer la résurrection. Donc, si Jésus, qui a porté nos péchés, a ressuscité, nous qui croyons en lui, nous sommes ressuscités spirituellement, nous avons la vie, et nous serons aussi ressuscités à la fin des temps. Comme Jésus. Je ne sais pas si nos corps vont avoir tous les pouvoirs du corps glorieux de Jésus. Je ne sais pas si on va pouvoir se déplacer et puis passer à travers les murs ou apparaître à différentes places. Je ne sais pas. Mais nous allons avoir un corps glorifié, ça c'est sûr. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions de nous avoir donné la preuve que le pardon des péchés peut être proclamé. La preuve que tu accordes le pardon des péchés, c'est que tu as ressuscité Jésus. Donne-nous la grâce de proclamer cela. Donne-nous la grâce de comprendre notre mission dans le monde. Nous sommes là pour proclamer le pardon des péchés. Afin que les gens se tournent vers Dieu pour l'aimer, l'adorer et le servir. Nous ne sommes pas là juste pour faire du bien, comme certains pensent. Jésus n'était pas seulement un modèle, mais il est la victoire sur la mort. Et l'apôtre Paul va ramener ça dans 15. Lui est le premier parmi les ressuscités. Nous autres, on va être tous ressuscités aussi un jour, à cause de lui. Aide-nous, Seigneur, à être comme les disciples, dans la joie, à cause de la résurrection de Jésus. Amen.